t'es verbatim. Pour une paire de Air Max, on te fait le remake de Verbal King. Un œil sur le parking, une fois l'air bâti. Serli en client tenue, camouflage vert kaki. Quitte à se mettre en cavale comme chef mamie. On veut des grosses berlines en provenance de Germanie. Appelle-moi Mère à vivre, c'est là que je verbalise. Pour les terres d'Afrique, stratégie de guerre m'anime. J'crache pas ça en plaisantant pillage. En mode triage, fais ce qu'il est nous en sautant le criage. J'm'en bats les coups des enfantillages. La douleur est cérébrale et compte plus de 100 ans de pillage. On a ce qu'il faut dans le holster. La seule chose que tu vas fumer, c'est ta branche d'herbe. J'en bats les coups de qui t'es, espèce de mange-merde. Y'aura toujours plus machiavélique, joue pas le gangster. Une balle de transperce. On a ce qu'il faut dans le holster. La seule chose que tu vas fumer, c'est ta branche d'herbe. J'en bats les coups de qui t'es, espèce de mange-merde. Y'aura toujours plus machiavélique, joue pas le gangster. Une balle de transperce. On voit le paradis lointain. Oh, l'enfer sur la rue d'en face. Ça se bigrave même des capsules d'anthrax. C'est là que tout le monde veut faire ça, tu ne s'entaxes. Oh, que les billets te rendent fort en calcul mental. C'est là que les jeunes te semblent sur ton classe. À croire qu'il y a sûrement pas plus rentable. Oui, là que les crapules s'entassent de ma plume s'encrasse. Oh, que tu trouveras des rimes de la plus grande classe. Les jambes vivantes en maillot Nike. Oh, on fera plus de 100 tracks, même si comme Ox on a mal au mic. C'était Zekwe pour Monsieur Nikoff. Ceux qui visent la lucarne depuis l'époque de Kikoff. On a ce qu'il faut dans le holster. La seule chose que tu vas fumer, c'est ta branche d'herbe. On s'en bat les coups de qui t'es, espèce de mange-merde. Y'aura toujours plus machiavélique, joue pas le gangster. Une balle de transperce. On a ce qu'il faut dans le holster. La seule chose que tu vas fumer, c'est ta branche d'herbe. On s'en bat les coups de qui t'es, espèce de mange-merde. Y'aura toujours plus machiavélique, joue pas le gangster. Une balle de transperce. Des poètes des temps modernes. Les grandes plumes de ce siècle traînaient en baume l'air. Avec des grands cônes d'herbe. T'as pas encore nos têtes en poster. On vit, on écrit en étant modeste. La haine dans nos termes. La paranoïa sert à anticiper. À rester sur le droit chemin sans dissiper. Donc, baisse pas ta garde, Béné. Laisse pas ta gamme traîner. On a la phobie de celui qui a le prolique diabolique. Comme le showbiz, alliane folie. Bla, bla, bla, cher ta folie. Demain c'est loin quand tu repenses au crime qu'hier t'as commis. Lias maudite, as pas vocal. Chacun en équipe, faudra bien qu'on casque l'avocat. Baisse pas ta garde, Béné. Laisse pas ta cam traîner. On a ce qu'il faut dans le holster. La seule chose que tu vas fumer, c'est ta branche d'herbe. On s'en bat les coups de qui t'es, espèce de mange-merde. Y'aura toujours plus machiavélique, joue pas le gangster. Pour une balle de transperce. On a ce qu'il faut dans le holster. La seule chose que tu vas fumer, c'est ta branche d'herbe. On s'en bat les coups de qui t'es, espèce de mange-merde. Y'aura toujours plus machiavélique, joue pas le gangster. Pour une balle de transperce. Machiavélique.